Outro. Gang boy. Des fourrailleurs. Des fourrailleurs. Squad. Des fourrailleurs. I got that bitch. Hey, hey. Moi j'ai des colères, je ne vois plus les autres. Mon téléphone est hors de réseau. Si t'abandonnes, j'en suis la raison. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Serrez, serrez les points, levez, levez les points. Touch you bitch. Depuis que je perce, elles peuvent tout tête. Je me prends pour Hitch. J'suis dans la ville, je fais du shit. Les keufs me pissent. Imbécile, j'ai plus de fil. Harina, touch you bitch. Harina, harina, harina. Avant de dormir, j'croute mes dollars. Le shit, je ne vends plus. Mais j'fais plus de sous que ton 6 gros. Maman, ne pleure plus. Gros Rosy, tu fais des euros. Toi, tu les tailles, les quêtes. Les keufs enquêtent, enquêtent. Arrête tes disquettes. Dans ton CV, y'a pas de tête à tête. Oui, tous mes amis ont des dollars. La concurrence ont des polars. Moi, je décolle, je ne vois plus les autres. Mon téléphone est hors de réseau. Si t'abandonnes, j'en suis la raison. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Tapez, tapez les points, gâtez, gâtez le coin. Serrez, serrez les points, levez, levez les points. Des fourrailleurs. How did I touch you, bitch? How did I touch you?